à la première seconde où tu es venu au monde, j'ai commencé à trembler pour toi. Et te voilà sur la terre, sur une drôle de galère que les hommes ne respectent pas. Entre les guerres qui menacent, la pollution ou l'espace, quel sera demain ton avenir? Entre l'eau et les conserves, la voiture et un peu d'herbe, tu n'auras que le choix pour mourir. Je n'ai pas le cœur à sourire, bien que je t'ai donné la vie. Je ne suis pas fier, faut le dire, de t'avoir fait venir ici. Il faudra que tu apprennes à marcher avec des chaînes qui te sembleront lourdes à porter. Tu connaîtras les problèmes de vivre avec ceux qui t'aiment le jour où tu voudras t'en aller. Dans quelques années, sans doute, tu refuseras la route que je voulais te voir emprunter. Et témoin de tes souffrances, je vivrai mon existence à te laisser faire et m'inquiéter. Je n'ai pas le cœur à sourire, bien que je t'ai donné la vie. Je ne suis pas fier, faut le dire, de t'avoir fait venir ici. Devant la joie de ta mère, je n'ai qu'une chose à faire, c'est de garder pour moi mes pensées. C'est l'amour le responsable, et te voilà sur le sable, hors des frontières de l'éternité. Je n'ai pas le cœur à sourire, bien que je t'ai donné la vie. Je ne suis pas fier, faut le dire, de t'avoir fait venir ici. Je n'ai pas le cœur à sourire, bien que tout le monde soit content. Je ne suis pas fier, faut le dire, quand je pense à ce qui t'attend.